ruse et que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. J'ai tellement spooké qu'on a même plus besoin de me présenter. Ceux d'au-dessus te le diront, il est peu raisonnable de me fréquenter. Je suis responsable de trop de choses, mais on aime me côtoyer. Certains pour me trouver utilisent le chemin du fossoyeur. Je suis partout dans ta folie ou quand je crée des tueries. Je fais toujours en sorte que l'âge de guerre reste déterré. Y'a beaucoup trop de proies faciles et le choix est très simple. La solution sera la tombe ou l'asile. J'utilise même mon savoir avant maturité. Je porte atteinte à ta sécurité en toute impunité. Je suis là le jour ou la nuit, y'a aucun souci. J'étais présent pendant ton suicide dans ta bouteille de whisky. C'est tellement simple, y'a tellement d'excités. Un conseil petit, si tu veux m'éviter, mets-toi à méditer. Je provoque les guerres entre les religions, j'incite au combat. Ceux qui prétendent être mes adeptes ne sont que mes cobayes. Ici tout le monde me craint, j'suis venu mettre fin au peu de paix qu'il y a dans le monde. J'arrive souvent quand tu t'y as dans le moins. Même si j'étais une légende, dis-moi y'aurait quoi en moins. Y'aura toujours la merde, peu importe que tu crois en moi. On me tient souvent pour responsable de la folie de l'homme, mais serai là pour t'accompagner jusqu'à ton lit de mort. Peu importe où t'es, je suis à tes côtés dès le matin et je resterai jusqu'à ce que tu viennes fricoter avec le malin. Je suis là dans tes cauchemars, je suis là quand ça va mal. Je jonglerai avec tes faiblesses à force, tu me renverras la balle. Les embrouilles c'était moi, l'arrestation de ton frère c'était moi. Même la mort de ton pote c'était encore moi. Regarde autour de toi, nombreux sont ceux qui cèdent à la tentation. Certains ont récité mon incantation, à quoi vous m'aimez bien. Pourtant j'ai pas distribué des pains, je suis ce froid dans le dos qui te fait transpirer des mains. Je suis celui qu'on ne voit jamais, tapis dans l'ombre avec mes idées sombres. Je cherche la haine, je ne réclame pas la paix. Nombreux espèrent que leurs souhaits soient exaucés, signe de ton sang. Et si t'as froid, je trouverai un bon moyen de te réchauffer. J'ai lu la rage dans le fond de tes yeux, sache qu'elle rend les coups. Attention car un jour la faucheuse sera ton rendez-vous. Y'a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Choisis bien ton chemin parce qu'un jour ou l'autre on se rencontrera. Ici tout le monde me craint, j'suis venu mettre fin au peu de paix qu'il y a dans le monde. J'arrive souvent quand tu t'y as dans le moins. Même si j'étais une légende, dis-moi y'aurait quoi en moins. Y'aura toujours la merde, peu importe que tu crois en moi. On me tient souvent pour responsable de la folie de l'homme, mais serai là pour t'accompagner jusqu'à ton lit de mort. Peu importe où t'es, j'suis à tes côtés dès le matin et je resterai jusqu'à ce que tu viennes fricoter avec le malin. C'est le shaitan qui nous entraîne dans le haram. Dis-toi qu'il est tout le temps là présent. C'est qui le shaitan? Le diable.